Dans l'épisode précédent... Sur les ordres de son père, Paul s'est trouvé un travail. Il a créé une fondation. Un fondation Cardo, j'écoute. De son côté, Marc vit un cauchemar avec sa nouvelle épouse, une fille très laide. On se voit jamais, Marc. Jusqu'on va se coucher. Mais tu sais, c'est surtout en dormant que je te préfère. Ce que tu dis est tellement beau. Tout semble se passer pour le mieux du monde, mais c'est à ce même moment qu'un membre de la mafia vient demander à Paul un service qu'il ne peut refuser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu m'aides à enlever Valérie, la femme de ton frère, la fille du sénateur maire. Voici le 17e épisode de votre série Demon Vegas, épisode intitulé Disparition nocturne. Je te le dis, Paul, je veux que tu enlèves la fille du sénateur maire. Mais pourquoi moi ? C'est la mafia qui t'a choisi. Et on ne peut refuser ce genre de demande, à moins d'être inconscient. La fille du sénateur, mais c'est la femme de mon frère, c'est quasiment ma belle-sœur. Moi aussi, par le passé, j'ai dû abattre mon cousin Giovanni Pazzoni. J'ai aussi descendu mon oncle et mes deux neveux. Quand j'y réfléchis, la seule personne que j'ai épargnée, c'est Momout, mon épagnol. J'imagine que venant de la mafia, c'est le genre de demande qu'on ne peut refuser. Tu imagines très bien. Allô, Marc, c'est ton frère Paul. Combien cette fois ? Ah, parce que tu penses qu'à chaque fois que je t'appelle, c'est pour de l'argent ? C'est le cas, Paul. Depuis que j'ai épousé mon gros porte-monnaie en sucre, tu ne penses qu'à venir le croquer, sans goûter aux joies des inconvénients, évidemment. Un porte-monnaie, c'est comme ça que tu parles de ton épouse ? Mon épouse, comme tu dis, c'est plus une source de revenus qu'autre chose. Et si elle disparaissait, ça ne te briserait pas vraiment le cœur, alors ? Je me retrouverais au chômage. Il en est hors de question. Mais tu viendrais travailler avec moi à la fondation. Pourquoi tu me parles de travail ? Avec qui tu parles, mon secret d'amour ? Je parle avec mon frère. Bonjour, Paul. Bonjour, Valérie. Ça tombe bien que j'étais au téléphone. Pourquoi ? Eh bien, dans quelques jours, je vais fêter mon 35e anniversaire et j'aurais souhaité organiser une petite surprise party. J'adore les fêtes ! J'en suis ravi. Ça se passe samedi soir dans le château de mon père sur les falaises de Demon Vegas et pour l'occasion, tout le monde sera déguisé. Je me déguiserai en Davy, la copine à Mickey. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, Paul ? Ton anniversaire n'est que dans 2 semaines. C'est le seul jour dans le mois où papa me laisse sa maison. On y sera, mais n'oublie pas de remplir la piscine de champagne. Je n'y manquerai pas. C'est parfait. Mon piège est en marche. Je vais me déguiser en Mickey et je vais kidnapper la grosse Daisy. Ce genre de soirée déguisée créera la confusion. Personne ne soupçonnera que la fille du sénateur maire a disparu. Monsieur le sénateur, félicitations pour votre costume de Claudette. C'est très réussi. Ce n'est pas une robe disco, c'est une toge. Je suis déguisé en César. Je suis un empereur. Ah oui, c'est vrai, vous avez du lierre dans les cheveux. Imbécile. Marc, en quoi tu t'es déguisé ? En Tarzan ! Mais mon pagne léopard est trop petit, on me prend pour un stripteaseur. C'est ton épouse qui doit être jalouse. Au fait, où est-elle ? C'est la souris obèse qui s'empiffe près du buffet. Bonjour, Daisy. Oh, Paul, vous êtes déguisé en Mickey. Mickey, Daisy, nous sommes faits l'un pour l'autre. Moi, fort ! Sinon, Marc pourrait nous entendre. Tu as raison. Si nous allions dans la cave prendre l'air... La cave ? Oui, c'est très tranquille. Tu sais, Valérie, je n'ai jamais aimé les filles trop maigres. Les mannequins anorexiques, je les laisse à mon chien. Les sacs d'os, il adore. Non, ce que je préfère, c'est les filles un peu girondes. Vous êtes un coquin. Justement, trempe tes lèvres pulpeuses dans ma coupe de champagne. Nous ne devrions pas. Marquez là-haut. Allez, bois. Tu essaies de m'enivrer. Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? Je vois trouble. J'ai glissé une dose de barbiturique dans ton verre. Une dose suffisante pour endormir un cheval comme toi. Qu'est-ce que tu dis ? La mafia m'a demandé de t'enlever, alors je vais pas leur dire non. La mafia, j'écoute. C'est Paul. J'ai enlevé la fille du sénateur maire. Parfait. Tu la gardes au frais et je m'occupe de la rançon. Et ma fondation, vous allez me la rendre ? Oui, tu arranges nos affaires, on arrange les tiennes. Ah, merci.